panise au bon moment. J'aurais dû naître de notre temps. Hélas, je suis dans le point tournant. Tu l'as voulu, c'est évident. Dans cette maudite société, cette société inachevée que je ne peux plus endurer. Il serait bien temps d'équilibrer. Mais les Indiens avaient raison. Ils voyaient bien l'évolution. Enterrer tout ce qui est bon. Et je vois bien à l'horizon ce que nous prépare Armageddon. Les secondes seront si longues.